Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, sur le poste et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver à l'écoute. Je vous ai préparé une émission inspirée par un objet sonore fabuleux qui est omniprésent dans nos vies quotidiennes, utilisé dans le monde musical depuis des lustres et qui, ma foi, trouve toujours sa vocation sonore chez les artistes d'aujourd'hui qui font de l'art avec du son. On va ce soir faire une incursion dans l'univers à la fois ancien, mais toujours très actuel, des cloches. C'est une courte évocation de l'historien Jonathan Stern à propos des environnements sonores de nos ancêtres qui m'a inspiré ce projet d'examiner l'allure sonore que prend aujourd'hui l'univers des cloches à l'aune de la création sonore et musicale actuelle. Alors, bien que ces usages religieux soient reconnus et très anciens, l'usage séculier des cloches est encore tout de même très répandu dans les rituels du quotidien. Je pense, en disant ça, aux petites clochettes de comptoir, aux carillons scolaires, aux cloches d'horloge et de iPhone, aux cloches de locomotive, d'ascenseur, sans oublier, sublime symbole, la cloche de Wall Street qui était à l'origine, dit-on, un gong chinois. De quoi sourire. Et puis, bon, souvenez-vous que l'on sonne les cloches partout dans le monde pour souligner les journées de la Terre. On va donc écouter ce soir des créations contemporaines, actuelles, qui font usage ou qui évoquent ou encore qui transcendent les sonorités infinies des cloches, grelots et carillons, tout ça émaillé d'observations, d'anecdotes et de réflexions sur la présence des cloches au quotidien. Comme le raconte l'artiste et essayiste François Mathieu dans son livre « Les cloches d'église du Québec », bien qu'associées au monde religieux, les cloches demeurent de nos jours des sujets de culture au riche potentiel expressif et symbolique. Je referme les guillemets, c'est ce qu'on va explorer modestement au cours de la prochaine heure. Et pour lancer ça, on écoute une création de Ned Milligan, un artiste new-yorkais qui se consacre à la composition à partir de carillons et de cassettes. Son album s'intitule « Enter Outside » et on écoute un extrait d'une très belle pièce intitulée « Lullaby of the Eaves » que je traduis là librement « Berceuse des avant-toits ». Alors on écoute ça. Eh bien, l'historien Alain Corbin, qui s'est intéressé à plein de phénomènes marginaux, bon, les plaisirs de la plage, l'évolution de l'odorat, l'histoire du silence, eh bien, Corbin consacrait au milieu des années 90 un ouvrage splendide intitulé « Les cloches de la terre » dans lequel il décrit l'univers sonore qui environne les communautés paysannes françaises du 18e siècle et leur attachement aux cloches de village dans le contexte des visées laïques de la Révolution française qui, je le rappelle, a cherché à les faire disparaître. Ce qui est fécond dans l'ouvrage de Corbin, c'est de comprendre combien la cloche a rythmé la vie quotidienne, fourni des repères géographiques, permis d'éloigner, même parfois, le mauvais sort. Corbin soutient l'idée d'une grande intensité sonore des cloches avant la Révolution française de 1789, grâce aux contes publics et religieux qui indiquent leur poids, leur nombre et évidemment leur prix. Il s'agit, dit-il, d'un objet de prestige à forte résonance identitaire sujette à la rivalité entre communautés. Je ferme les guillemets encore une fois. Corbin donne pour exemple toutes ces chicanes de clochers qui débutent dans les campagnes françaises lors des destructions et de la fonte des cloches durant la Révolution, entraînant la colère campagnarde et compromettant, dit-on, l'adhésion des campagnes aux idéaux révolutionnaires. Un contexte social, de conclure Corbin, qui touche la culture sensible des communautés, accentuant par le fait même un désenchantement du monde. Alors, je vous propose qu'on écoute cette fois un extrait d'une création de l'artiste français Falter Branks. Ça s'intitule « L'arme » et c'est tiré d'un très bel album intitulé « Music for a Luminous Background ». Le travail de Branks est composé exclusivement de verre et de cristal frappé, frotté, soufflé, secoué. Très belle pièce. Thank you. plus près de nous à propos des usages des cloches. La municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, région de Valleyfield, a mis en perspective la valeur patrimoniale et artistique des cloches de son église dans le cadre des Journées de la culture. L'événement avait pour but de raconter l'histoire des trois cloches de l'église Saint-Louis-de-Gonzague, cloches installées et baptisées en 1883. Je résume. La plus imposante cloche, prénommée Marianne-Léon, en mémoire de la Sainte Vierge et à Sainte-Anne, et en l'honneur du pape Léon XIII. La plus modeste en poids, la cloche dite Louis-Eugène, fut placée sous le patronage de Saint-Louis-de-Gonzague et en souvenir de Saint-Eugène, patron du curé de la paroisse. Bon, les Journées de la culture soulignaient ainsi l'aspect documentaire et identitaire des cloches à vocation religieuse, qui sonnait pour beaucoup dans ce temps-là à la mémoire des saints. Cet intérêt des Journées de la culture pour les cloches du village souligne avec justesse que les cloches vont tout de même s'émanciper avec le temps de l'ascendant religieux pour des usages séculiers qu'en feront, par exemple, les grands orchestres symphoniques. Alors, je vous entretiens de ça à la suite de cette belle création intitulée « Forge » de l'artiste sonore australien Martin Palmer, dit « Broken Ship », qui nous offre une exploration de résonances métalliques réalisées à partir d'un glockenspiel jouet. Alors, c'est tiré d'un très bel album intitulé « Bells », c'est publié sur le label Flaming Pine. Alors, on écoute ça. Thank you. Eh bien, vous ne serez pas étonné de voir l'héritage judéo-chrétien des cloches se prolonger dans l'univers des musiques sacrées, puis dans celui des grands orchestres symphoniques. Les œuvres de Berlioz, de Mahler, Shostakovich, Strauss et j'en passe, là, leur font une place de choix. Plusieurs orchestres en possèdent, de bien réels, bon, à Berlin, Paris, Amsterdam. Mais de nombreux orchestres n'en ont pas, forcés d'utiliser des cloches dites tubulaires. C'était le cas jusqu'à tout récemment de l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est un mécène nommé Roger Dubois qui a acquis un ensemble de 10 cloches de carillon réservées à l'usage de l'OSM et dont on annonçait l'arrivée des deux premières cloches dans les médias cet automne. Les cloches acquises pour l'OSM sont similaires, dit-on, à celle des campaniles d'église. Le son de chaque cloche est produit par le percussionniste qui les frappe à l'aide de maillets métalliques de dureté variable. Bon, c'est intéressant comme phénomène. Les deux premières cloches, en sol et en do, ont été jouées pour la première fois à la Maison symphonique de Montréal dans le cadre de la Symphonie fantastique de Berlioz et de la présentation d'une création du compositeur Michael Osterle. Ça se passait, cela, en septembre 2024. Alors, dans cette veine, on écoute une magnifique création de Peter Van Affen. C'est intitulé « Étude numéro 2 », c'est tiré de l'album « Processus et contrôle », un projet réalisé à l'aide d'interfaces électroniques pour explorer les rythmes asynchrones, le sérialisme à 12 tons, la spatialisation stéréo, et j'en passe, évidemment. Alors, on écoute ça. Eh bien, voilà ce qui complète la demi. Je vous rappelle qu'on explore ce soir à grands traits la présence des cloches dans l'univers sonore des temps passés et dans celui très actuel des arts sonores et de l'expérimentation musicale d'aujourd'hui. Pour se rendre à la pause, on écoute une création du compositeur et percussionniste Stephen Hickox du Royaume-Uni. Je vous fais entendre Whitechapel, un projet réalisé durant le confinement. Alors, à tout de suite. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. À Alors, on est de retour. Vous écoutez L'Accroche-oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site L'Accroche-oreille. Vous trouverez ça très facilement sur la toile. Alors, j'explore ce soir avec vous, à grands traits, bien sûr, l'univers sonore des cloches, clochettes, gongs et carillons qui ont pris dans le passé une place sonore importante dans la culture sonore des communautés et qui demeure encore très présente aujourd'hui dans le monde de l'art. Je vous cite d'entrée de jeu quelques lignes tirées du bel ouvrage « Les cloches d'église du Québec » de l'artiste visuel et sculpteur François Mathieu. J'ouvre les guillemets, « Mieux que tout autre objet du culte, les cloches étaient de laborieuses et rutilantes machines ayant paradoxalement un rôle de dépassement du fait matériel. Comme bien d'autres engins qu'on lie à des engrenages utilitaires, les clochers étaient des chambres de machines placées en surplomb des espaces de vie et dont l'énergie semblait se perdre dans l'air. Je voyais en tout cela, de conclure François Mathieu, quelque chose qui émerveille et déconcerte en même temps, qui fait penser à l'obstination des artistes qui, seuls dans leurs ateliers, lance de secrètes incantations dans des matières qui soudainement semblent s'animer. Je referme les guillemets. Eh bien, cloches et clochers demeurent encore une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Ce qu'on va aborder après l'écoute de cette belle création intitulée The Call, c'est du Pendulum Orchestra. C'est tiré de l'album We Don't Belong to This Place Anymore. Nous n'appartenons plus à cet endroit désormais. Alors, on écoute ça. Thank you. cloches, clochers demeurent des archétypes sonores et architecturaux profondément enracinés dans la conscience collective, en tout cas en Occident. Si profondément ancrés qu'ils fournissent aux artistes et musiciens une matière et des espaces qu'il est bon de revisiter, de redéfinir, de remodeler. Et en disant ça, je pense évidemment à la prodigieuse symphonie du millénaire initiée par le compositeur Walter Boudreau, qui a réuni de nombreux compositeurs, compositrices pour un concert présenté en juin 2000 sur le terrain de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Au programme, une quinzaine de formations réunissant 333 musiciens, un carillon, un grand orgue, 2000 sonneurs de cloches, deux camions de pompiers et 15 clochers d'église mis à contribution pour l'exécution devant bien des fidèles émerveillés par l'ampleur du processus et du dispositif. Bon, depuis la symphonie du millénaire, de nombreux projets multidisciplinaires ont quand même surgi autour des cloches et clochers, dont certains combine à la fois l'intelligence du processus, l'ingéniosité du dispositif visuel et l'audace, surtout, de l'expérimentation sonore. C'est le défi qu'a relevé le duo Béchard-Hudon avec leur projet intitulé « La résonance des corps ». C'est une intégration artistique à l'architecture qui a consisté à créer une œuvre sonore dans le clocher de l'ancienne église Saint-Sauveur à Montréal, un élément clé, dit-on, de l'architecture du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bon, l'installation sonore est composée de trois sculptures en aluminium agissant comme résonateurs de son, déclenchés par des capteurs de présence, tout ça retransmis par des haut-parleurs. La facture de l'œuvre, raconte Béchard-Hudon, fait écho à la vocation de recueillement du lieu. Notre intention était d'ouvrir, disent-ils, un dialogue entre le temps visuel et le temps sonore qui se manifeste à travers le corps résonnant du clocher, les sculptures émettrices et la composition sonore de facture minimaliste. Je referme les guillemets, je le souligne, la résonance des corps est la première œuvre sonore d'art public à être créée dans le contexte de la politique québécoise d'intégration des arts à l'architecture, tout à l'honneur du duo de créateurs Béchard-Hudon. Alors, on écoute un extrait de ce projet, La résonance des corps. Bon, à la suite des résonances religieuses puis artistiques des cloches, glissons tranquillement vers ces résonances politiques. Personnages sonores illustrent de quelques événements historiques. Alors, de Liberty Bell qu'on retrouve à Philadelphie, une cloche devenue célèbre en 1847 après la parution d'un court article annonçant qu'un carillonneur l'aurait fait sonner le 4 juillet 1776 suite à la signature de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Bon, autre cloche célèbre, celle de Batoche en Saskatchewan, disparue selon la croyance populaire au terme des combats qui opposèrent les Métis de Louis Riel aux troupes canadiennes en 1885. Des soldats canadiens auraient volé la cloche de l'église de Batoche pour l'exposer quelque part en Ontario jusqu'en 1991, date à laquelle elle fut de nouveau dérobée par le métis Billy Joe de la Ronde qui l'a ramenée dans l'Ouest. Eh bien, si la cloche de Batoche représente pour les métis un symbole identitaire et historique très fort, il en est de même pour la cloche Marguerite Michel du village de Saint-Denis-sur-Richelieu au Québec. Une cloche qui sonne le ralliement du 23 novembre 1837 et qui va jouer, dit-on, un rôle déterminant dans la seule victoire des Patriotes contre l'armée britannique. Bernard Landry, ancien premier ministre, a rappelé en 1997 les motifs d'accorder le statut patrimonial de la cloche. J'ouvre les guillemets. Tous les peuples mettent en évidence les symboles des étapes parcourues dans la conquête de leur liberté et de leurs droits collectifs. La cloche Marguerite Michel a été la première à retentir pour appeler les gens des environs à résister à l'arrestation arbitraire de leur premier ministre, Louis-Joseph Papineau, en novembre 1837. Je referme les guillemets, fin de la citation. Eh bien, on vient d'entendre une création du musicien néerlandais Albert Borkent, dit Lingua Lustra, création intitulée « La vérité sonne comme une cloche », un hommage à la cloche réalisée avec des enregistrements faits maison, des synthés analogiques et des voix. À travers le temps et les civilisations, on n'a pas manqué d'imagination pour transmettre de l'information aux communautés. Bon, le cri, le sifflet, le phonolithe, le tambour, le son de la cloche a été aussi utilisé au fil des siècles pour des fonctions d'alerte, d'information, de localisation. Passionné du monde antique, l'essayiste Éric Suter raconte que les Romains utilisaient la cloche pour annoncer l'ouverture et la fermeture des bains. L'historien et géographe Strabon narre, il y a 2000 ans, la mésaventure d'un poète privé de son public au son des cloches annonçant l'arrivée de la marée. De petites cloches étaient utilisées, dit-on, en ces temps anciens pour annoncer l'arrivée d'un hôte à l'entrée des maisons. Bon, un usage qu'on a conservé. À propos des cloches à vocation religieuse, on raconte qu'elles sont d'abord suspendues aux branches d'arbres pour annoncer l'office aux fidèles. On leur fera, bien sûr, une place dans un espace distinct, le clocher. Les villages et leurs églises auraient été implantés, dit-on, à portée de cloche, de manière à transmettre des messages de village en village pour alerter les gens d'un danger imminent. On comprend. Vous voyez bien que les cloches et clochers se sont imposés dans le paysage culturel et sonore d'hier et qu'ils le sont encore manifestement. Alors on écoute cette fois une création de l'artiste britannique Robin Rimbaud, dit Scanner, très actif dans le monde des arts sonores. Ça s'intitule Long Player, c'est tiré de l'album Dreamy Tortoise, Tortue rêveuse. Eh bien, il y aurait beaucoup à dire encore sur les cloches, ses dérivés sonores, ses dérives poétiques, ses pouvoirs magiques de contrer les bêtes, les vents et les tempêtes. Mais l'émission tire à sa fin. Alors voilà, grand merci aux artistes, créateurs sonores, artisans, essayistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres à la fois écrites et sonores. On retrouve l'ouvrage de François Mathieu, Les cloches d'église du Québec aux éditions Septentrion, et celui d'Alain Corbin, Les cloches de la terre chez Albin Michel, éditeur. Alors, comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir ainsi que les références sur le site La Croche-Oreille. Alors, pour clore l'émission, on écoute une création du collectif polonais Nok Warta Situ. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.